n'a pas de prix. Oh non. Ne me dis pas qu'il s'amuse avec mon cœur. Oh non. Ne me dis pas qu'il s'amuse avec mon cœur. C'est sérieux. Ne me dis pas qu'il s'amuse avec mon cœur. Ne me dis pas qu'il s'amuse avec mon cœur. Et puis il m'aime aussi. Lui aussi. Alors tais-toi donc, ça suffit. On dit partout qu'il est fou. Cela n'a pas de prix. Alors tais-toi donc, ça suffit.